Chapitre 2. La première semaine s'écoula, puis la seconde, sans que Magdalène se trouvât, selon toute apparence, plus près de découvrir la contrelettre que le premier jour de ses débuts à Saint-Croix. Cette quinzaine, cependant, bien que dépourvue d'incidents, ne devait pas être considérée comme absolument perdue. Magdalène était rassurée par son expérience personnelle sur un point fort important. Il lui était démontré qu'elle pouvait mettre au défi la méfiance des autres domestiques. Le temps avait habitué à elle les femmes de la maison, sans ébranler toutefois cette conviction vague dont elles étaient toutes plus ou moins imbues, à savoir que la nouvelle venue n'était pas des leurs. Tout ce que Magdalène pouvait faire pour sa défense était de maintenir ses soupçons de l'instinct féminin à l'état purement négatif où elle les avait trouvés dès le principe, et à ceci elle était parvenue, mais non sans peine. Jour après jour, ces femmes la guettaient avec l'infatigable assiduité du mauvais vouloir et de la méfiance. Mais jour après jour, elles se voyaient refuser la découverte qui les eût payées de tant de soins. La nouvelle parlour maid faisait sa besogne en silence, avec intelligence et adresse, sans jamais s'oublier, sans jamais perdre de vue sa condition. Les seuls intervalles où il y fût accordé quelque repos et quelque sécurité d'esprit étaient les moments qu'elle passait de temps à autre durant la journée avec le vieux Maizé et les chiens, ou bien encore les heures nocturnes pendant lesquelles, retirée dans sa chambre solitaire, elle s'y trouvait à l'abri d'un perpétuel espionnage. Grâce à la surabondance des chambres à coucher de Saint-Croix, chacune des domestiques pouvait, en effet, si cela lui convenait mieux, avoir un réduit à elle. Aussi Magdalène, seule pendant la nuit, pouvait sans crainte redevenir elle-même, s'abandonner aux rêves délicieux des anciens souvenirs, et sortir de ce rêve sans qu'un regard inquisiteur guettât les larmes dont sa figure était inondée. Elle pouvait aussi s'absorber dans ses calculs d'avenir sans être troublée par ces murmures haineux qu'elle entendait le jour dans mille petits recoins, l'accuser d'avoir quelque chose sur la conscience. Déjà persuadée qu'elle avait su s'assurer dans le château une position suffisamment garantie, elle profita bientôt d'une seconde chance favorable qui, vers la fin de cette première quinzaine, la débarrassa de toute crainte au sujet de la formidable Mrs. LeCount. En partie d'après les commérages qui s'échangeaient, à table, entre les femmes dînant ensemble à l'office, en partie d'après l'article d'un journal suisse qu'elle avait trouvé un matin tout ouvert sur le grand fauteuil de l'amiral, elle acquit l'assurance très bienvenue que, pour cette fois, elle n'avait plus à craindre l'intervention de l'ancienne femme de charge. Mrs. LeCount, paraissait-il, avait passé plusieurs jours à Saint-Croix après la mort de son maître, mais ensuite elle avait quitté l'Angleterre pour aller dans une retraite honorable et prospère, près des lieux qu'il avait vus naître, jouir des revenus de son legs. L'article du journal suisse donnait tous les renseignements désirables sur l'accomplissement de ce projet si digne de louange. Non seulement Mrs. LeCount s'était établie à Zurich, mais sagement persuadée de l'instabilité qui menace la vie humaine, elle avait déterminé d'avance les œuvres de charité auxquelles sa fortune serait appliquée après son décès. La moitié de son capital devait servir à fonder une bourse LeCount pour les étudiants pauvres de l'université de Genève. L'autre moitié devait être mise à la disposition des autorités municipales de Zurich pour défrayer, sous leur contrôle, l'entretien et l'éducation d'un certain nombre d'orphelines nées dans cette ville et qu'on élèverait avec le dessein d'en faire plus tard des domestiques. Le journaliste suisse signalait ses legs philanthropiques en leur prodiguant les éloges les plus démesurés. Il félicitait Zurich de posséder un miracle de vertu civique et comme bienfaiteur de la Suisse, Guillaume Tell, comparé à Mrs. LeCount, n'était plus qu'un personnage assez mince. Au commencement de la troisième semaine, Magdalène se sentit libre de faire un premier pas vers la découverte de la mystérieuse contre-lettre. Elle s'était assurée, en faisant bavarder le vieux Maizé, que leur maître occupait d'ordinaire, pendant les mois d'hiver et de printemps, les appartements de l'aile nord. Mais pendant l'été et l'automne, il allait, traversant le passage arctique ou glace la moelle, résider dans les appartements à l'est qui avaient vue sur le jardin. Aussi longtemps que la salle des banquets demeurerait, par suite de la gêne relative où se trouvait l'amiral, dans son état actuel de délabrement et d'humidité, aussi longtemps que l'intérieur de Saint-Croix se trouverait ainsi coupé de la manière la plus incommode en deux résidences distinctes, on ne pouvait rien imaginer de mieux que cette combinaison. De temps en temps, ainsi que Magdalène l'apprit à la même source, il arrivait, soit en hiver, soit en été, que l'amiral se préoccupait tout à coup de l'état des chambres pour le moment inoccupées. Ces jours-là, il voulait à toute force vérifier de ses propres yeux la condition du mobilier, des tableaux et des livres ainsi laissés dans un abandon provisoire. En pareille occurrence, que ce fût l'hiver ou l'été, on faisait grand feu, plusieurs jours d'avance, dans l'énorme cheminée, et on allumait également le brasier du trépied pour sécher et réchauffer autant que possible la salle des banquets. Dès que les inquiétudes du vieux gentleman étaient calmées, on refermait les pièces qu'il venait d'inspecter et glace la moelle redevenait, pour maintes et maintes semaines, la proie de l'humidité, de la solitude et de la ruine. La dernière de ces émigrations temporaires avait eu lieu seulement depuis quelques jours. L'amiral s'était convaincu que les chambres de l'aile orientale n'avaient aucunement souffert de son absence, et on pouvait maintenant le regarder comme définitivement fixé dans l'aile du Nord pour plusieurs semaines, peut-être pour plusieurs mois, en supposant que la saison fût rigoureuse. Si insignifiants qu'ils fussent en eux-mêmes, ces détails importaient sérieusement à Magdalène, car ils l'aidaient à déterminer les limites du terrain où ses recherches devaient avoir lieu. Admettant comme probable que l'amiral conservait sous sa main tous les documents auxquels il attachait quelque prix, elle pouvait se regarder comme certaine que la contre-lettre était en dépôt dans l'une ou l'autre des pièces septentrionales. Mais dans laquelle ? Il n'était pas facile de répondre à cette question. Des quatre pièces habitables qui toutes étaient, pendant le jour, à la disposition de l'amiral, à savoir la salle à manger, la bibliothèque, le salon de jour et le grand salon ouvrant sur le vestibule, la bibliothèque semblait être l'endroit où, s'il lui arrivait de manifester quelque préférence, il passait la plus grande partie de son temps. Il y avait dans cette pièce une table avec des tiroirs fermant à clé. Il y avait un magnifique cabinet italien, dont les portes incrustées fermaient à clé. Il y avait au-dessous des bibliothèques cinq corps d'armoire, toutes fermant à clé. Les autres pièces contenaient aussi des réceptacles de même nature et offrant les mêmes sûretés. Dans chacun d'eux, et dans tous, on pouvait loger des papiers. Appelée par la sonnette, Magdalène avait souvent vu l'amiral fermer, ouvrir quelqu'un de ses meubles, tantôt dans une pièce, tantôt dans l'autre, mais dans la bibliothèque plus souvent qu'ailleurs. Elle avait parfois remarqué sur son visage une expression d'inquiétude et d'impatience lorsque, pour lui donner ses ordres, il détournait la tête de tel cabinet, de telle armoire ouverte devant lui. Elle concluait de là qu'une pensée quelconque, relative à ses papiers et au domaine dont il lui garantissait la possession, ce pouvait être la contre-lettre, ce pouvait être de tout autre document, venait de temps à autre le contrarier et l'irriter. Elle l'avait entendu maintes et maintes fois mettre quelque chose sous clé dans l'une des pièces, sortir ensuite et passer dans une autre, demeurer là quelques minutes, puis rentrer dans la première chambre, ses clés à la main, et brusquement ouvrir les serrures pour les refermer presque aussitôt. Cette anxiété tracassière qu'il semblait éprouver à l'endroit de ses clés et de ses armoires pouvait être le résultat d'une disposition innée qu'aggravait, chez un homme naturellement actif, l'oisiveté sans but d'une vie passée dans la retraite, d'une vie livrée à la merci des préoccupations les plus futiles, sans aucun emploi régulier qui vint, à une heure quelconque du jour, lui rendre la fixité dont elle manquait. D'un autre côté, on pouvait regarder comme aussi probable que ses allées et ses venues, ses serrures ouvertes et fermées à chaque instant, tenaient au sentiment de quelque responsabilité secrète imposée d'une manière imprévue à la facile existence du vieillard, et devenue pour lui une espèce de tourment, une tyrannie à laquelle l'indépendance de ces dernières années ne l'avait pas habitué. Sa conduite pouvait s'interpréter par l'une ou l'autre de ces hypothèses avec une égale raison, une égale probabilité. Dans la position de Magdalène, il était impossible de savoir laquelle de ces deux interprétations il fallait accorder la préférence. La seule découverte certaine qu'elle eût pu faire encore datait du premier jour où elle avait soumis l'amiral à un examen scrupuleux. Elle s'était assurée, ce jour-là, qu'il avait grand soin de ses clés. les petites, toutes réunies dans le même anneau, ne quittaient jamais la poche de côté de son habit. Les grandes étaient enfermées tout ensemble, généralement, mais non pas toujours, dans l'un des tiroirs de la table de la bibliothèque. Parfois, il les y laissait la nuit. Parfois, il les emportait avec lui dans sa chambre à coucher, au fond d'un petit panier. Nulle régularité dans ces deux alternatives, nul motif dont on se put aviser pour qu'il les enfermât ainsi, tantôt dans le tiroir en question, tantôt dans un autre endroit. La capricieuse irrégularité de ses démarches à cet égard déroulait toute tentative pour y découvrir un système quelconque et déjouait tous les calculs à l'aide desquels on aurait voulu les prévoir. Dès le début, il avait bien fallu reconnaître pour absolument vaine toute espérance d'acquérir des renseignements positifs d'après lesquels on put agir, en tendant adroitement à l'amiral, quelques-uns de ses pièges ou ses habitudes de causerie semblaient devoir le faire tomber. Dans la situation de Magdalène, toute tentative de ce genre eût été difficile et dangereuse au suprême degré, vis-à-vis de n'importe quel homme. Vis-à-vis de l'amiral, elles étaient simplement impossibles. La tendance qu'il avait à passer sans transition d'un sujet à l'autre, le bavardage continu auquel il s'abandonnait tant qu'il avait à portée de voix un auditeur quelconque, une absence presque comique de toute dignité, de toute réserve à l'égard de ses domestiques, semblait au premier abord promettre beaucoup et en définitive ne tenait rien. Magdalène avait beau mettre la plus grande réserve, le respect le plus marqué à profiter de l'exemple de son maître et du goût évident qu'il manifestait pour elle, le vieillard découvrait à l'instant même la limite qu'elle venait d'outrepasser et la rappelait au juste sentiment de sa position avec une bonne humeur narquoise qui n'avait rien de blessant, mais en même temps avec une brusque droiture qui ne se prêtait à aucun subterfuge. Tout contradictoire que cela puisse paraître, l'amiral Bartram était défendu par sa familiarité même. Il maintenait les distances entre lui et la jeune fille attachée à son service bien mieux que s'il eût été l'homme le plus orgueilleux des trois royaumes. La réserve systématique d'un supérieur vis-à-vis d'un subalterne, peut-être quelquefois surmontée, sa familiarité systématique ne l'est jamais. Le temps se traînait lentement. La quatrième semaine arriva sans que Magdalène eût fait aucune découverte. La perspective ouverte devant elle était décourageante au dernier point. Arriva-t-elle, ce qui semblait hors de toute espérance, à trouver moyen de s'emparer des clés de l'amiral? Elle ne pouvait guère compter qu'elle les garderait, sans encourir les soupçons au-delà de quelques heures. Et ces heures pouvaient être absolument perdues par suite de l'ignorance où elle était, de la direction que ses recherches devaient prendre tout d'abord. La contre-lettre pouvait être sous clé dans quelqu'un de ses 20 meubles, propre à recevoir des papiers qu'elle avait trouvés répartis dans 4 chambres différentes. Or, elle ne savait ni par quelle chambre commencer ses investigations, ni quel meuble appelait tout d'abord ses fouilles, ni parmi quel tas de papiers elle pouvait s'attendre à rencontrer le seul dont elle eut souci. Enfermée de tous côtés dans des incertitudes dont rien ne l'aidait à mesurer la valeur relative, condamnée pour ainsi dire à se traîner à tâtons jusqu'au seuil même du succès, elle attendait une chance qui jamais ne s'offrait, un incident qui jamais n'arrivait, avec une patience déjà devenue celle du désespoir. Chaque nuit, elle récapitulait ses journées qui venaient de passer, sans retrouver dans sa mémoire un seul événement qui les distinguât l'une de l'autre. La fatigante monotonie de l'existence qu'on menait à Sainte-Croix n'avait d'autre interruption que les délits caractéristiques commis tour à tour par le vieux Maizé et par les chiens. À de certains intervalles, le naturel de Brutus et de Cassius reprenait sa sauvagerie originelle. Le bien-être modéré du foyer domestique, la saveur des entrées, la satisfaction décente qu'on éprouve à digérer étendue sur un épais devant de feu, perdaient subitement tout leur charme, et les chiens ingrats quittaient le château pour aller chercher au dehors des dissipations aventureuses. En pareil cas, le formulaire d'après-dîner qui réglait les questions et les réponses échangées entre le vieux Maizé et son maître se trouvait légèrement modifié. « Dieu bénisse la reine, Maizé. » Et « Maizé, où en est le vent ?» était suivi d'une interrogation supplémentaire. « Où sont les chiens, Maizé ? » « En pleine Fredaine, votre honneur, et le diable les emporte !» répondait invariablement le vieux loup de mer. L'amiral ne manquait jamais de soupirer à cette nouvelle et de secouer gravement la tête, comme si Brutus et Cassius avaient été ses deux fils, manquant au respect qu'ils devaient à leur père. Après deux ou trois jours, les chiens rentraient infailliblement au logis, maigres, sales à faire peur, et consciencieusement honteux de leur mauvaise conduite. Pendant toute la journée du lendemain, ils demeuraient en disgrâce et attachés dans l'écurie. Mais au bout de 24 heures, on les lavait, on les brossait de main de maître, et l'accès de la salle à manger leur était rendu. Là, grâce à la subtile entremise du cuisinier, la civilisation reprenait sur eux tous ses droits, et les deux enfants prodigues de l'amiral, lorsqu'ils voyaient enlever les cloches d'argent, bavaient, gastronomes émus, tout aussi copieusement que jamais. Le vieux Maizé, en certaines occasions, manifestait des dispositions analogues à celles des deux chiens. De temps en temps, son naturel sauvage reprenait aussi le dessus. Il cessait, comme eux, de goûter le confort domestique. Ingrat comme eux, il quittait le château. C'était dans l'après-midi que d'ordinaire avaient lieu ces disparitions imprévues, et il rentrait le soir, aussi parfaitement gris qu'on puisse l'être. C'était d'ailleurs un ivrogne trop bien aguerri pour que le moindre malheur lui arrivât jamais en pareil cas. Ses vieilles jambes pouvaient bien, sous l'influence du vin, préférer à la ligne droite d'étranges circonvolutions, mais elles ne lui manquaient jamais. Ses yeux rougis par Bacchus pouvaient voir double, mais il lui montrait toujours le chemin du logis. Aussi, les domestiques avaient beau faire, jamais il n'aurait pu le convaincre qu'il était ivre. Pareille imputation n'obtenait de lui que le mépris le plus sincère. Il refusait même d'admettre dans son fort intérieur la possibilité de ce fait énorme, tant qu'il n'avait pas vérifié son état à l'aide d'un critérium tout particulier dont l'infaillibilité ne faisait pas doute à ses yeux. Il avait pour habitude, dans ces sortes de crises, de gagner en trébuchant sa chambre du rez-de-chaussée, de tirer de l'armoire son petit vaisseau modèle, et d'essayer s'il était, oui ou non, en état de travailler à cette œuvre interminable, le gréement du navire en miniature. Quand il avait brisé quelques frêles espars et quelques minces cordages, alors, et seulement alors, l'ancien matelot, dominé par ce témoignage muet, voulait bien se rendre à la vérité. « C'est pourtant ainsi, » se disait-il sur le ton des confidences les plus intimes. « Ces femmes ne se trompaient pas. Encore dans les vignes, Maizé, encore dans la boisson. » Ceci reconnu, il mettait une certaine adresse à demeurer dans les régions inférieures jusqu'à ce que l'amiral eût regagné sa chambre, et alors seulement, chaussé de pantoufles de feutre, il allait à petit bruit reprendre son poste. Trop rusé pour essayer de rentrer dans son lit à roulette, ce qui eût été courir au-devant d'une catastrophe, c'est-à-dire d'une chute contre la porte de son maître, il arpentait le corridor de long en large jusqu'à ce que l'équilibre se fût rétabli en lui. Plus d'une fois, Magdalène, lorgnant par un interstice du paravent, avait vu l'ancien matelot faire ainsi son quart d'un pas incertain, se croyant encore de garde à bord d'un vaisseau. C'est singulier comme ce navire obéit à la mer, marmottait-il entre ses dents lorsque ses jambes l'emportaient en zigzag vers l'extrémité du long corridor, où l'obligeait momentanément à étudier les airs de vent selon son propre système, c'est-à-dire le dos contre la muraille. Une nuit a levé le cœur, voyez-vous, murmurait-il en grondant à la tournée suivante. Noir comme votre poche, et le vent capanoum, toujours du même côté. Pendant la journée du lendemain, le vieux Maizé, disgracié comme les chiens, était consigné au rez-de-chaussée. 24 heures plus tard, toujours comme les chiens, il se voyait réinstallé dans ses privilèges. Et alors le formulaire d'après-dîner subissait une modification nouvelle. À son entrée dans la salle à manger, le vieux matelot s'arrêtait court et le dos contre la porte présentait ses excuses sous cette forme concise mais éloquente. « Sauf le respect dû à votre honneur, je suis honteux de moi-même. » L'apologie n'allait pas plus loin. « Tout ceci, Maizé, ne doit plus arriver, » répondait routinièrement l'amiral. « Cela n'arrivera plus à votre honneur. »« À merveille. Avancez à l'ordre et buvez un coup. Dieu bénisse la reine, Maizé. » Le vétéran levait son verre, où la liqueur ballottait quelque peu, et le dialogue s'achevait comme d'ordinaire. Ainsi s'écoulèrent les jours, sans autres incidents qui vinssent en rompre la monotonie jusque vers la fin de la quatrième semaine. Au moment où elle allait expirer, il arriva quelque chose. On entrevit, le dernier jour est tout à fait à l'improviste, les premières lueurs de cet avenir si lent à se dérouler. Magdalène était dans la salle à manger, occupée comme d'ordinaire à mettre le couvert, lorsque Mrs. Drake vint y jeter un coup d'œil et lui annonça pour la première fois qu'elle aurait deux personnes à servir. L'amiral avait reçu ce jour-là une lettre de son neveu. Miss George Bartram allait arriver à St. Crux le soir même et de fort bonne heure.